Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. A fêté hier son 60e anniversaire de carrière. Ça se passait à son salon à Montréal. Question de savoir un peu, parler un peu de sa carrière. On l'a rejoint à Montréal. Bonjour, Minique. Ben bonjour, Danny. Bonjour. Merci de ton appel. Ça me fait plaisir de parler aux gens de ton coin, là, puis te remercie infiniment. Minick, 60 ans de carrière, t'aurais-tu imaginé ça au début? Non. Quand j'ai commencé, d'abord, c'était tout bonnement pour avoir un emploi comme tout le monde, mais j'ai jamais pensé devenir, entre guillemets, un homme d'affaires un jour, parce que c'était pour me créer un emploi, puis gagner ma vie, puis faire que ce qui me plaît, parce que mes chums, moi, ils s'en allaient tous à l'école, là, quand ils ont fini, ils s'en allaient dans la construction, mais j'ai eu des chums dans ce temps-là aussi, qui faisait du sport, tel que Michel Bergeron, Roger Brulotte, Richard Morancy. Okay. Fait qu'eux autres, j'ai côtoyé un peu plus après l'école. T'sais, je veux dire, quand j'ai commencé mon commerce, parce qu'à l'âge de 15 ans, j'étais dans un salon, je travaillais 3 ans dans un salon. Puis à 18 ans, mais mon père, il dit, pourquoi tu prends pas ton salon? Ça me tentait pas, parce que je me disais, tu sais, quand même, un salon, c'est un commerce, c'est de l'ouvrage. Faut pas se le cacher, là. C'est du temps. T'sais, c'était une autre vie complètement. Mais, bon Dieu m'a aimé, ça a bien été, fait que j'ai aucun regret, puis je suis bien satisfait, je recommencerai demain matin. Est-ce que ça t'a pris, parce que je sais que moi, une coiffeuse, c'est long, ça prend au moins 2-3 ans avant d'avoir une belle clientèle. C'est sûr, on est au lac Saint-Jean, c'est pas pareil, on peut pas comparer le contexte, là. Mais est-ce que ça a pris quand même un bon nombre d'années avant de dire « je vis de ça bien » Ben, moi, dire, ben, franchement, que ça soit dans ton, à Chicoutimi ou que ça soit à Montréal, un commerce, c'est toujours pas facile à partir. Ouais. Tu sais, ils disent que les 5 premières années sont difficiles. Mais moi, j'ai été choyé parce que j'ai parti mon commerce à 18 ans, mais je demeurais chez mes parents. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu demeures chez tes parents ou que tu pars un commerce à l'âge de 25, 30 ans, 35 ans, t'es marié, t'as un enfant, 2 enfants, là, c'est exigeant pis c'est dangereux. Mais moi, j'étais chez mes parents, puis il n'y a pas de pension, tu sais. Mon père, il me donnait un coup de main dans ce sens-là, tu sais. Il disait, ben, travaille, puis, tu sais, je veux dire, fais ta paye, puis travaille fort. Mais c'est ce que j'ai fait, puis, écoute, les 10 premières années, c'est sûr, va t'expliquer, moi, je dis toujours aux gens que dans mon temps, c'était 10 fois plus facile qu'aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. C'était très facile. Regarde, qu'on compare les années, puis moi, je trouve que c'était pas mal moins cher dans ce temps-là. Qualité-prix, je parle même égaler les années d'aujourd'hui que les loyers, comme un loyer comme ici, c'est peut-être 2 000, 2 500 $. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'acheter la bâtisse à un moment donné, 10 ans après l'ouverture. Fait que je payais 50$ de loyer par mois les premiers 5 ans, 50$ de loyer le deuxième 5 ans, puis le propriétaire lui a augmenté à 100$ le troisième loyer. Ben, j'ai dit, écoute, ben, là, je me suis marié, puis ça me prend de l'argent, c'est ça. Mais il était tellement après moi pour que j'achète la bâtisse que c'était ça, dans le fond, mon tremplin, là, réellement, qui m'a donné la poussée pour m'encourager réellement, parce que j'avais quand même une bâtisse à payer. Fait que là, j'avais pas de, comment je pourrais dire, d'argent garoché d'un bord et de l'autre, là. Fait que ça a porté fruit. OK. Tu me dis que, pourquoi les sportifs? Parce que Minick s'est rendu célèbre avec les sportifs. Qu'est-ce qui a fait que Minick était attiré par la clientèle sportive au départ? Ben d'ailleurs, tu sais, par chez vous, ben non, par ici, là, je vais te dire, le hockey, c'est important. Ouais. C'est notre vie, le hockey. T'sais. Dès qu'on peut mettre une paire de patins et tenir un hockey dans nos mains, c'est le succès de la famille. Là. Tu joues au hockey, c'est correct. Ben, je joue au hockey, je joue au baseball avec tout le monde. Mais dans ces temps-là, il y a des gars qui m'ont dépassé, tels que Roger Brulotte, ça a loué dans les Légions majeures. Michel Bergeron, c'est pareil. Pierre Lacroix, qui était l'agent de Patrick Roy, de Mike Bossy, tous ces gars-là. Ouais. Ça, c'était des gars que je me tenais avec. Fait que je côtoyais avec eux autres, j'allais dans tous les événements. Si Canadien jouait une game de balle l'été, c'est sûr que j'étais là. Hier, là, j'avais Guy Lafleur était ici. Il y avait Régent Houle, il y avait Pierre Bouchard, il y avait Gilles Lupien, même l'ancien maire, M. Coderre était ici. Ben oui. M. Coderre était ici. Fait que, tu sais, je suis très bien entouré, bien secondé, puis... mais tu sais, je suis partout. Comme la semaine passée, ils ont fêté Philippe Allou, j'étais là. Okay. Denis Coderre, quand il s'est battu vendredi passé à la boxe, j'étais là. Ouais. Tu sais, je veux dire, fait que je suis pas mal toujours présent, puis je suis toujours les activités. T'sais. Fait que le fait d'être sociable aussi fait en sorte que... Ben, c'est sûr, puis ce que c'est qui est bien important dans tout ça, je pense, c'est que je suis toujours ici. Fait que, tu sais, le gars là qui se déplace pour venir faire un tour, tu sais, il dit pas il va être là. Ouais. Il sait que je suis là. Ouais. Fait que dans sa tête, là, il se déplace, mais il se dit au moins je vais le rencontrer. Ouais. Parce que le gars, il, quand même, il est fier de venir m'encourager, comme moi je suis fier de le savoir. Mm. C'est sûr, si tu t'en occupes pas de ton commerce, il va foirer, c'est sûr. Effectivement. C'est Minic, dis-moi, tu m'as dit avant de rentrer en onde que tu as déjà fait une émission de télévision. Moi, j'ai eu une émission de télévision pendant 3 ans. Ça s'appelait Minique reçoit. Okay. Moi, j'ai fait 104 émissions. Okay. C'était à Vidéotron. J'ai fait 2 saisons estivales, 2 saisons d'été, 26 semaines, les 2 26 semaines. Puis quand TQS est arrivé, j'étais supposé faire juste l'été, puis on a fait 52 semaines. Fait qu'en tout, ça a fait 104 émissions. OK. Puis dis-moi... J'avais une chronique d'un journal aussi. Fait que c'était les confidences un peu? C'était un peu comme un... Ouais, c'était un peu... Là, le client arrivait, mon invité, c'est-à-dire il arrivait, puis je le questionnais sur ce que c'est, tu veux parler, est-ce que t'aimes le cinéma, le golf, on parle de ta famille, tes voyages. Puis là, ben, on embarquait en onde. On faisait 6-7 émissions par jour, on connaissait 6-7 émissions. Okay. Ah non, c'était... Il n'y avait pas de reprise. Si je me trompais, là, c'était pas grave, là, tu sais.